Ô nuit, ô rafraîchissante ténèbres, vous êtes pour moi le signal d'une fête intérieure, vous êtes la délivrance d'une angoisse. Dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d'une capitale, scintillement des étoiles, explosion des lanternes, vous êtes le feu d'artifice de la déesse Liberté. Crépuscule, comme vous êtes doux et tendre, les lueurs roses qui tiennent encore à l'horizon, comme l'agonie du jour, sous l'oppression victorieuse de sa nuit, les feux des candélabres qui font des taches d'un rouge opaque sur les dernières gloires du couchant, les lourdes draperies qu'une main invisible attire des profondeurs de l'Orient, imitent tous les sentiments compliqués qui luttent dans le cœur de l'homme aux heures solennelles de la vie. On dirait encore une de ces robes étranges de danseuse où une gaze transparente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d'une jupe éclatante comme sous le noir présent, transperce le délicieux passé. Et les étoiles, vacillantes d'or et d'argent, dont elle est semée, représentent ces feux de la fantaisie qui ne s'allument bien que sous le deuil profond de la nuit.